Chant numéro 14. Le commun souvenir de notre lieu natal fit que je ramassai les branches détachées et les rendis au tronc qui venait de se taire. Nous passâmes ensuite aux confins où débouche le deuxième giron pour entrer au troisième, où s'offrait au regard une affreuse justice. Pour dire clairement des choses aussi neuves, je dis que nous étions dans un désert de sable, dont le sol ne portait aucun brin de verdure. La forêt des douleurs l'entourait de partout, tout comme le fossé contournait la forêt, et nous, nous fîmes halte au bord de ce désert. Le sol en était fait d'un sable épais et sec, tout à fait ressemblant à l'autre qui jadis avait été foulé par les pieds de Caton. Ô vengeance de Dieu, combien tu dois paraître redoutable au lecteur qui peut imaginer ce que j'ai vu là-bas avec mes propres yeux. Je vis de grands troupeaux d'esprits, tout à fait nus, qui se lamentaient tous bien misérablement et paraissaient soumis à des lois différentes. Certains de ces esprits gisaient couchés par terre, d'autres restaient assis, ramassés sur eux-mêmes, et puis d'autres encore ne cessaient de marcher. Ceux qui rôdaient ainsi formaient le plus grand nombre, et quoique les couchés fussent les moins nombreux, leurs lamentations paraissaient les plus fortes. Sur cette mer de sable, il pleuvait lentement de grands flocons de feu qui tombaient sans arrêt, comme les jours sans vent il neige à la montagne. Et tout comme Alexandre, au chaud pays des Indes, vit tomber sur ses gens les flammes parondées qui ne s'éteignaient pas, même en touchant la terre, et se vit obligé de les faire fouler aux pieds de ses soldats pour mieux les étouffer et éviter qu'en naisse un océan de feu, telle descend là-bas cette ardeur éternelle où s'allume le sable comme au briquet la mèche, et qui fait redoubler leur cuisante douleur. Et l'on voyait toujours les misérables mains se mettre en mouvement pour écarter du corps les brûlures nouvelles qui pleuvaient de partout. Je ne pus m'empêcher de demander, ô maître, toi qui vins tout au monde, hormis les durs démons qui vinrent devant nous pour nous fermer la porte, qui donc est celui-ci qui si peu se soucie du feu, qu'il reste là, dédaigneux et tordu, si bien que l'on dirait qu'il ne sent même pas? Cependant, cet esprit semblait avoir compris que c'était bien de lui que je parlais au guide. Car il dit, « Je suis mort tel que j'étais vivant. Que Jupiter arrasse encore son forgeron, à qui, dans sa colère, il prit la foudre aiguë qui vint me transpercer au dernier de mes jours. Et que, l'un après l'autre, il épuise à la tâche, au fond de mon gibelle, la troupe des cyclopes, en criant, « Bon Vulcain, j'attends ton coup de main !» Ainsi qu'il fit jadis, au combat de Phlégra, ou qu'il me frappe encore de ses coups les plus durs. Il ne trouvera pas de joie à se venger. » Lors, mon guide lui dit, avec tant de colère que je ne l'avais vu jamais si courroucé, « Te voilà plus puni que d'autres, Capané, du fait de ton orgueil qui ne veut pas céder. Pour une rage égale à celle qui te ronge, la peine la plus dure est la rage elle-même. » Puis, se tournant vers moi, « Celui-ci, me dit-il avec plus de douceur, est l'un de ces sept rois qui luttaient contre Thèbes. Il eut et garde encore un grand mépris de Dieu, dont il ne fait que rire. Mais, comme je l'ai dit, sa colère elle-même est l'ornement qui sied le mieux sur sa poitrine. Mais suis-moi maintenant, et surtout garde-toi de toucher de ton pied le sable incandescent, mais tâche de rester en bordure du bois. » Nous vîmes, en marchant en silence, à l'endroit d'où sourd de la forêt un modeste ruisseau dont la couleur de sang me fait frémir encore. Comme la nappe d'eau qui sort du Bulicam, et dont tirent profit toutes les pécheresses, ce ruisseau se creusait un lit parmi les sables. Et le fond de ce lit, avec les deux versants ainsi que ses deux bords, était construit en pierre. Je sus par ce détail qu'on était au passage. De tout ce que j'ai pu te montrer jusqu'ici, depuis que nous venons d'entrer par cette porte, dont quiconque pourra franchir un jour le seuil, aucun objet n'était plus digne d'intérêt que ce petit ruisseau qui reçoit et éteint tous les flocons de feu pleuvant sur son parcours. » Et m'ayant dit ces mots, mon guide s'arrêta. Mais je lui demandai de m'accorder le mets dont il m'avait d'abord excité l'appétit. « Au milieu de la mer se trouve, me dit-il, un pays dévasté que l'on appelle Crète. Le monde fut jadis innocent sous son roi. Là s'élève un sommet qu'égayait autrefois des sources et des bois, et qui s'appelle Ida. Maintenant il est triste et nu comme la mort. Rhea l'avait choisi pour servir en secret de berceau pour son fils, et pour mieux le cacher, elle faisait couvrir ses pleurs par des clameurs. Un grand vieillard se dresse au creux de la montagne, qui tient le dos tourné du côté de Damiette, et regarde vers Rome ainsi qu'en un miroir. Sa tête fut forgée avec l'or le plus fin, et son buste est d'argent comme le sont ses bras. Ensuite, il est d'airain jusqu'à son enfourchure. Tout le bas de son corps est fait en fer choisi, excepté le pied droit qu'il a de terre cuite, et c'est surtout ce pied qui supporte son poids. Chaque métal, moins l'or, présente des fissures par où, de toutes parts, suintent toujours des larmes dont le ruissellement traverse le rocher. Puis leur cours se poursuit jusqu'à cette vallée. Ils forment l'Achéron, le Styx, le Phlégéton, et ils descendent plus bas par ce canal étroit, jusqu'à ne plus pouvoir descendre davantage. Et le Cocyte y naît. Tu verras ce que c'est. Il est encore trop tôt pour en parler ici. Alors je demandais, s'il est vrai que cette eau descend de notre monde, ainsi que tu le dis, pourquoi la vois-je ici pour la première fois? Il répondit, tu sais que cette place est ronde, et bien que le chemin fait jusqu'ici soit long, toujours en descendant et toujours vers la gauche, nous n'avons pas fini de refermer la boucle. Si tu vois des objets qui te semblent nouveaux, tu ne dois le trouver nullement étonnant. Je dis encore, maître, où sont, explique-moi, Phlégéton et l'été? Tu n'as rien dit de l'un, et l'autre, d'après toi, sort de cette rivière. Toutes tes questions me font un grand plaisir, répondit-il alors, mais le bouillonnement de l'eau rouge fournit la première réponse. Tu verras le l'été, mais hors de cet endroit, là-haut, où les esprits s'en vont pour se laver, lorsque le repentir rachète leurs erreurs. Ensuite il poursuivit. Il est temps de partir de ce bois. Tâche donc de bien suivre mes pas. Marche sur ce rebord qui ne doit pas brûler, car la flamme s'éteint au-dessus du ruisseau.